Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les romans de Philip K. Dick, Robert Heinlein, Terry Pratchett, Philip-Joseph Farmer, mais aussi Star Trek, Fringe, Rick et Morty, Counterpart, sans parler des univers Marvel ou DC, il serait long et fastidieux de citer toutes les œuvres de science-fiction qui ont recours au multivers tellement elles sont nombreuses et tellement les possibilités narratives sont illimitées. Mais que dit exactement la science à ce propos ? S'il s'avère que c'est une hypothèse envisagée de différentes manières en physique théorique, cela reste une hypothèse très discutée, voire contestée, puisqu'il serait en principe impossible d'en obtenir une preuve observationnelle. Que faire du multivers et quel sérieux lui accorder ? Un dernier multivers pour la route, c'est le programme hypothétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Un titre un peu hasardeux. Et pour examiner les différentes hypothèses et les différents niveaux de multivers envisagés par la physique théorique, nous avons l'immense plaisir de retrouver Carlo Rovelli. Bonjour Carlo. Bonjour, un plaisir d'être ici avec vous. Physicien, théoricien, directeur du groupe Gravité Quantique au Centre de Physique Théorique Marseille-Luni. On peut vous lire dans de nombreux ouvrages, L'Ordre du Temps, notamment chez Flammarion, ou Cette brève leçon de physique chez Odile Jacob. Puis vous nous direz un mot de Helgoland, votre dernier roman qui est en cours de traduction. Nous avons le plaisir d'accueillir Maëri Sakellariadou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique théorique au King's College de Londres, mais on commence par celle qui, dans un autre univers, est peut-être de la famille des langoustes. C'est Natacha Triou pour le tour Bonjour des sorts. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal avec une annonce très relayée par les médias. La FDA, l'Agence américaine des médicaments, vient d'autoriser la vente de l'Aduhelm, qui est un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Mais la maladie d'Alzheimer touche énormément de personnes, plus de 50 millions dans le monde. Et à ce jour, il n'y a pas de médicament qui permet de soulager les patients, ni les symptômes, ni de ralentir la maladie de façon significative. Donc cette autorisation de la FDA est un espoir pour beaucoup, mais elle est aussi très controversée. L'Aduhelm est fabriqué par l'entreprise américaine Biogen et il s'agit de l'aducanumab, dont je vous ai déjà parlé dans ce journal. Il cible l'une des causes de la maladie et il détruit les plaques amyloïdes qui s'accumulent dans le cerveau. En 2019, l'entreprise avait annoncé l'arrêt de ses deux essais cliniques de phase 3 suite aux résultats négatifs. Puis, 6 mois plus tard, Biogen annonçait que l'aducanumab était en fait efficace pour un sous-ensemble de participants. Alors malgré des résultats parcellaires et contestés, la FDA autorise la vente de ce médicament et fait prévaloir la balance bénéfice-risque. Laure Véret est maître de conférence en neurosciences à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle est impliquée dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Qui est scientifiquement perturbant, on va dire, dans les résultats de ces essais cliniques, c'est que le médicament, il a une cible particulière, qui est donc un peptide qui s'appelle A-bêta. Et depuis les années 90, tous finalement les médicaments qui ont été conçus visent à réduire ce peptide A-bêta qui a été identifié comme la cause de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est les années 90. Et en 2010, 2012 et 2013, il y a eu tout un tas d'essais cliniques sur la base de la diminution de ce peptide A-bêta qui ont été arrêtés, parfois en panique, parce que finalement, il y avait des gens inclus dans les essais cliniques qui avaient encore plus de déficit que les personnes qui prenaient le placebo. Donc c'était vraiment très, très inquiétant. Et du coup, ça a remis complètement en cause toutes les stratégies de médicaments qui étaient mis en place contre la maladie d'Alzheimer. Ça remettait en cause même le fondement même de ce qu'on comprenait de la maladie, puisqu'on arrivait à éliminer ce peptide, et pourtant les sujets n'en se trouvaient pas mieux. Et l'aducanumab a la même cible. Et pour la première fois, finalement, On a un médicament qui vraiment est très efficace pour diminuer cette cible, c'est-à-dire qu'il y a une diminution significative, et ça je pense que c'est très clair dans leur essai clinique, on a une réduction de ce qu'on appelle les plaques séniles qu'on peut voir dans le cerveau des sujets. Pour autant, on sait maintenant, depuis une quinzaine d'années, que la présence de ces plaques, elle n'est pas directement liée aux performances cognitives ou aux troubles de la mémoire des sujets. Donc en fait, on se retrouve avec des sujets qui ont effectivement une diminution de ce qu'on essaie de cibler avec le médicament, mais pas nécessairement une amélioration de leur statut cognitif. En l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui permet d'améliorer la mémoire des sujets qui ont Alzheimer. Ce que fait l'aducanumab, d'après les essais cliniques, c'est que ça va diminuer le déclin cognitif d'environ un tiers. Et ça, c'est à prendre en compte dans l'agrément d'un médicament. Est-ce qu'on améliore significativement la qualité de vie des sujets et des personnes qui les entourent? Alors peut-être que ça vaut le coup de mettre ce médicament sur le marché, même si ce n'est pas une réussite à tous les coups. Et on passe au bref. Ce soir, la sonde Juno de la NASA va survoler de très près Ganymède. Ganymède, c'est la plus grande lune de Jupiter, qui est plus grande que la planète Mercure. Ce soir, vers 19h30, la sonde volera à environ 1000 km au-dessus de cette lune gelée. Ganymède n'avait pas été exploré depuis la sonde Galileo dans les années 90, et ce survol sera la collecte d'une mine de données scientifiques. Juno devrait mesurer son champ magnétique, ses particules de haute énergie, son niveau de rayonnement et la magnétosphère de Jupiter. On peut aussi s'attendre à ce que la caméra JunoCam rapporte d'impressionnants panoramas. Une étude parue hier dans Nature Communications nous éclaire enfin précisément sur l'origine des aurores boréales. Et on sait que les lumières chatoyantes des aurores boréales sont provoquées par les particules des tempêtes solaires qui sont accélérées par les champs magnétiques terrestres qui les précipitent dans l'ionosphère. Mais le phénomène n'était pas entièrement compris. Une équipe américaine a reproduit les conditions des aurores boréales en laboratoire grâce au LAPD, le Large Plasma Device, une chambre à vide cylindrique avec un puissant champ magnétique. Les expériences ont prouvé que ce sont bien les ondes d'Alphen, des ondes transversales magnéto-hydrodynamiques, qui transfèrent leur énergie aux électrons auroraux. Ce processus de transfert d'énergie produit des électrons accélérés capables d'atteindre les énergies aurorales. Et enfin, dans une étude à découvrir dans le Journal of the Royal Society of New Zealand, les Européens ne seraient peut-être pas les premiers à avoir découvert l'Antarctique. Les chercheurs néo-zélandais ont analysé et croisé des histoires traditionnelles maori avec ce qu'on appelle la « grey literature », la littérature grise, de la documentation parallèle. Il se trouve que les activités polynésiennes et maori dans les eaux polaires se produisent depuis très longtemps, bien avant celles des Européens. Les premiers récits ethnographiques, mais aussi gravures, sculptures et tissages, évoquent un navire, le Te Iwi Oatea, commandé par le navigateur maori U Terahuniora. Il serait arrivé en Antarctique au début du 7e siècle, soit 1200 ans avant les expéditions européennes, dans les années 1820. Selon les auteurs de ce papier, maori et polynésiens sont sous-représentés dans l'histoire de l'exploration de l'Antarctique. Merci beaucoup Natacha. Comme tous les jours, les études du Journal des Sciences ainsi que toutes celles dont il va être question dans l'émission, vous les retrouvez sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous avez peut-être vu passer, si vous fréquentez assidûment les réseaux sociaux, ce mème qui circule depuis quelques temps maintenant et sur lequel on voit dans un moteur de recherche entrer les mots « I hope », « j'espère » en anglais, et la proposition automatique qui est faite par le moteur de recherche est « I hope parallel universe me is doing okay », soit « j'espère que le moi d'un univers parallèle va bien ». C'est dire à quel point l'idée d'un multivers est largement développée et collective aujourd'hui, on pourrait dire presque acquise dans la culture populaire, à grand renfort de récits fantastiques ou de fictions qui utilisent ce ressort à gogo pour produire des scénarios rocambolesques et compliqués à outrance. Et pour une fois, eh bien, est-ce que la culture populaire aurait de l'avance sur la physique théorique? Parce que ce qui est quasi acquis par le grand public ne l'est pas du tout par les scientifiques, et le multivers pose d'importants problèmes conceptuels, même s'il n'est pas écartable pour autant. Écoutez la façon dont le résume Hubert Reeves, c'est notre archive du jour. La question se pose. Existe-t-il d'autres univers que celui que nous observons dans nos télescopes, celui de la photo du champ profond prise par le télescope Hubble? Des univers totalement déconnectés du nôtre, avec lesquels nous n'avons aucun moyen de prendre contact. Des univers qui peut-être hébergent des galaxies, des planètes, sur ces planètes des gens qui s'interrogent. Ou des univers tout à fait différents, en dehors même des possibilités de notre entendement? La réponse est claire. Oui, il est tout à fait possible que de tels univers existent par milliers, par millions, par milliards, à l'infini. Il n'existe aucun argument qui justifierait l'affirmation contraire, à savoir que notre univers serait le seul à exister. Le mot « multivers » a été forgé pour décrire l'ensemble comprenant à la fois notre univers et ses univers hypothétiques. Voilà, Hubert Reeves et son accent chantant, une réaction Carlo Rovelli. Aujourd'hui, quand on fait de la physique théorique, le multivers est pris au sérieux ou ça reste finalement une part très hypothétique ou finalement un peu dévalorisée de l'ensemble de la pensée de la physique théorique? Il est certainement pris au sérieux par certains scientifiques. Carlo Rovelli, je crois qu'on vous a perdu. Alors, un mot, Maïri Sakellariadou, justement, sur le crédit que l'on apporte dans le champ de la physique théorique aux différentes hypothèses que l'on va examiner du multivers. Écoutez, je pense que la communauté est un peu divisée sur ça. Et à mon avis, c'est évidemment tentant d'aller au-delà de notre voisinage. Donc, la proposition de multivers, si vous voulez, c'est une prolongation de l'évolution qui nous a amené d'une conception géocentrique, héliocentrique et puis cosmique avec un univers et maintenant cette idée de multiplication des univers. Donc, si vous voulez, cette proposition n'est pas contraire à la logique, mais elle est ça par la vérification. Donc, il y a des gens qui croient, vous pouvez croire si vous voulez, qu'elle est correcte, mais on ne peut pas la vérifier. Donc, à mon avis, ça devient un peu comme la religion. C'est ça. Je pense que, si vous voulez, moi je partage plutôt les critères de réfutabilité de Popper pour la définition de théorie scientifique. Et à mon avis, le multivers a ce talent d'Achille qui n'a pas de prédiction. S'il n'a pas de prédiction, on ne peut pas tester. Donc, vous voulez croire si vous voulez, je ne peux pas vous contredire. C'est possible que c'est vrai. Mais on peut pas le vérifier. Donc à ce moment-là, à mon avis, ça va contre ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc c'est peut-être très très dangereux. C'est tentant, mais c'est très dangereux. Carlo Rovelli, on vous a retrouvé. Penser le multivers, théoriser le multivers, c'est tentant, mais très dangereux. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Oui, un peu. Alors sur la substance, je suis d'accord avec Mary, je ne trouve pas dans la science actuelle des arguments convaincants pour penser qu'il y a d'autres univers. Ça, c'est ma vision, moi, en tant que scientifique. Mais moi, je serais un peu plus ouverte dans le sens suivant. Je fais un exemple. Est-ce que la Terre est le centre de l'univers? Alors, on est tous convaincus que non. Et est-ce que ça, c'est une question scientifique? Oui, c'est une question scientifique, bien sûr, tellement scientifique que ça a été la question centrale débattue au début de la révolution scientifique. Et la réponse « non, la Terre n'est pas le centre de l'univers » a été un pas fondamental pour mieux comprendre l'univers. Mais est-ce que c'est vérifiable si la Terre est le centre de l'univers ou non? Non, on peut pas. Ce que je veux dire, c'est que la méthode scientifique, qui est le titre de cette transmission, est subtil. Je pense que la vision de la méthode scientifique, tout simplement comme on a une théorie, on fait des prédictions, c'est vérifiable ou non, c'est un peu plus complexe. La science, c'est aussi de construire des structures conceptuelles qui peuvent marcher mieux pour comprendre le monde. Alors, moi, je ne suis pas encore convaincu. Mais si des collègues, et des collègues que je respecte énormément, pense que peut-être on peut construire une certaine conceptualisation qui est raisonnable. Et avec ça, on peut mieux comprendre ce qui se passe. Et dans cette conceptualisation, c'est nécessaire de prendre en considération le rôle que d'autres univers peut-être connectés dans le passé, au nôtre ou autre chose. Moi, je ne carterai pas a priori l'intérêt de cette spéculation. C'est-à-dire, je la vois comme une spéculation intéressante, pas convaincante pour moi, mais quand même, je reste à l'écoute de mes collègues qui explorent cette possibilité de passer le monde. Maëlys Sekellariadou, une réaction justement à cette position prudente de Carlo Rovelli, de dire effectivement, bien tant qu'il n'y a pas de vérification formelle, observationnelle possible, c'est du registre de la croyance que vous disiez vous-même, mais néanmoins, construire un modèle, finalement, après tout, on ne pourra certainement jamais avoir de preuves observationnelles du Big Bang, quelle qu'elle soit, et pourtant c'est un modèle qui est aujourd'hui robuste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut effectivement tempérer un peu cette position vis-à-vis du multivers quand on est physicien théoricien? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous à propos du Big Bang, parce qu'on a, en effet, on a des prédictions qui viennent de la théorie du Big Bang, et cette prédiction a été confirmée. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. À mon avis, le multivers, c'est une approche qui explique très bien certaines questions en cosmologie d'une façon, si vous voulez, plus élégante que le principe anthropique. Mais elle ne fait pas de prédictions. Donc c'est intéressant de discuter à propos de ça, c'est stimulant, c'est intéressant, mais je vois pas comment on pourrait faire un test de cette théorie. Et vous savez, en général, on essaie de voir qu'une théorie n'est pas fausse. On peut aucune fois dire qu'elle est correcte tout à fait. On essaie de voir sa validité. Donc il y a apparemment un test qu'on peut faire pour le multivers. C'est-à-dire, on essaie de trouver des sections spatiales fermées, et ça, on le trouve en faisant des cercles identiques dans le fond du flux cosmologique. Mais ça, c'est un test qui est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire, si je ne trouve pas ce cercle, la théorie est fausse. Mais si je le trouve, ça ne va pas dire qu'elle est correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on doit chercher? Attendez, il faut juste que vous nous précisiez exactement qu'est-ce qu'on doit chercher dans le fond diffus cosmologique qui pourrait éventuellement être une trace observationnelle. Oui, on essaie de trouver quelque chose qui va nous dire que la courbure spatiale de l'univers est positive, que l'univers est fermé. Si on trouve ça, on peut donner une façon de... C'est-à-dire, et si on ne trouve pas ces cercles, c'est-à-dire que l'univers ne peut pas être fermé, à ce moment-là, il y a une possibilité que le multivers est valable. C'est un critère de non-détection qui est nécessaire, mais pas suffisant. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de dire si ce modèle est faux. Mais on ne peut pas dire qu'il est correct. Et moi, je ne vois pas, à part ce test, quel autre test on pourrait dire. Parce que vous savez, comme vous avez dit, il y a des différents niveaux de multivers. Mmh. Si on part du niveau 1, on est tous d'accord. Attendez, on va l'aborder. On va voir ces différents niveaux pour pas aller trop vite en besogne. Peut-être, je voulais juste avoir une réaction de Carlo Rovelli à ce que vous venez de dire. Effectivement, ce que vient de dire Maëlys Sekellariadou, est-ce qu'à un moment donné, on peut trouver une preuve de l'absence, en l'occurrence, vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui puisse nous dire, bon, bien, puisqu'il y a ça dans l'état actuel de nos connaissances, c'est donc que le multivers n'est pas possible, à défaut de trouver une preuve de l'existence. Moi, je pense que je vois la science pas comme trouver les preuves de quelque chose. C'est trouver la façon meilleure pour penser à quelque chose. Je vous dis pourquoi je ne trouve pas convaincant les hypothèses des univers, beaucoup des hypothèses d'univers, avec un exemple concret. Il y a la constante cosmologique qui a été mesurée, ça a mené au prix Nobel, qui est celle qui fait accélérer l'expansion de l'univers, et qui a une valeur très petite. Alors, beaucoup de physiciens s'interrogent pourquoi il a cette valeur particulière très petite. Et il y a une certaine utilisation des univers multiples pour qui donnerait, c'est-à-dire il y a une certaine théorie qui dit ben, s'il y a plusieurs univers, blablabla, et dans une de ces univers, la constante cosmologique est très petite, blablabla, il y a une histoire. Alors, pourquoi je ne trouve pas convaincant? Parce que, je peux la mettre comme ça, Newton a introduit la constante de Newton, une seule constante avec laquelle on arrive à expliquer une énorme variété de phénomènes. Donc avec une constante, on explique des millions de phénomènes. Cet argument que je viens de dire introduise un énorme nombre d'univers pour expliquer une constante. Et évidemment, ce n'est pas la bonne direction de pensée. C'est-à-dire, la bonne direction de pensée, la science, c'est qu'on arrive à avoir des idées simples qui justifient, qui permettent de faire des prédictions, bien sûr, des prédictions qui ne sont pas falsifiées, mais qui met ensemble de façon cohérente beaucoup de phénomènes et qui disent « Ah, voilà, ça, comme ça marche. La Terre n'est pas le centre, la Terre c'est une planète comme les autres. » Je ne peux pas vérifier ça, je ne peux pas prouver que c'est vrai, je ne peux pas prouver que c'est faux. Personne ne peut dire, peut faire mesure pour dire que la Terre est un centre de l'univers. Qu'est-ce qu'on sait du centre de l'univers? Mais quand même, ça recadre tout de façon plus raisonnable. Les arguments que je trouve maintenant dans la littérature scientifique qui cherche d'utiliser les idées de multi-univers pour donner un cadre raisonnable de phénomène qui nous fait comprendre qu'est-ce qui se passe, au-delà de la vérification, de la falsification stricte, me semble très, très faible. On va continuer à réfléchir parce que, évidemment, cette question du multivers agite beaucoup la physique théorique depuis un certain temps et avec toutes les prudences épistémiques que l'on vient de dire. Mais vous allez voir que, eh bien, il y a des théories peut-être un peu plus solides ou en tout cas un peu plus raisonnables que d'autres. On va essayer de les examiner les unes après les autres dans la suite de cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons du multivers en physique théorique tout au long de cette heure à 16h20 en compagnie de Carlo Rovelli et de Mahiri Sekelariadou. Peut-être qu'on pourrait dire un mot à Mahiri Sekelariadou, c'est-à-dire que cette idée d'univers multiple, elle est vieille comme le monde, elle est vieille comme la civilisation. Ça fait longtemps que les chercheurs, les observateurs du ciel ont pensé, ont imaginé, les philosophes, les métaphysiciens, qu'il puisse y avoir non pas seulement d'autres mondes, mais d'autres univers que le nôtre. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Vous savez, moi je suis d'origine grecque, dans les philosophes grecs, il y avait aussi cette idée qu'il y a des autres univers. Donc l'idée existait depuis longtemps. Et ensuite, il y a de différents développements, de différents niveaux, si vous voulez, de multivers qui viennent soit de la cosmologie, soit de physique quantique, soit de théorie des cordes. Donc, il y a une longue histoire. Effectivement, comme je vous ai dit dès le début, ça c'est l'évolution de la conception qu'on avait du système géocentrique, héliocentrique et cosmique. Donc, c'est tout à fait naturel et tout à fait logique. Carlo Rovelli, à partir de quel moment la physique théorique contemporaine commence à se pencher de manière un peu sérieuse, si on peut utiliser ce qualificatif-là, ou en tout cas de manière un peu scientifique sur cette notion, sur cette question du multivers? Mais là, il faut commencer à faire la distinction entre les différents... Alors, allons-y. Les différents univers. Parce que, je vous en prie. Oui, parce que finalement, oui, c'est correct de faire un petit débat général sur la notion de multivers, mais il y en a des complètement différents. Et Max Tegmark a écrit un livre qui a assez intéressé beaucoup de gens, très spéculatif, dans lequel il fait une distinction entre des différents... niveau de multi-univers. Et il part du plus bas, qui n'est pas vraiment le premier. Il fait une distinction entre quatre. Moi, je jugerais un cinquième. Le plus bas, le numéro un, c'est tout simplement l'idée que dans la cosmologie actuelle, à cause de comment l'espace-temps est fait, on ne peut pas voir trop loin. Il y a des galaxies probablement qui sont trop loin pour nous de les voir. Je vous fais un exemple. Si nous envoyons un signal lumineux vers ces galaxies, à cause de l'expansion, ce signal peut ne jamais arriver à elles, à ces galaxies-là. Alors, on peut déjà appeler ça multi-univers, et Max Tegmark l'appelle comme ça. Moi, je pense que c'est un peu excessif d'utiliser déjà le mot multi-univers pour ça. C'est-à-dire, est-ce que l'univers est un peu plus grand de ce qu'on voit? Encore une fois, nous, on n'arrive pas à voir ces galaxies, mais quand même, c'est un peu... ça semble raisonnable. Si vous voulez, c'est connecté au fait, est-ce que nous sommes au centre de l'univers? Probablement non. Donc, la sphère, dans un certain sens, qu'on arrive à voir... c'est pas ça l'univers, ça devrait être un peu plus grand que ça, au moins, probablement. Donc, dans ce sens-là, je pense l'idée qu'il y a une partie de l'univers avec lequel on n'arrive pas maintenant à échanger des signaux, je simplifie un peu là. Marie, en cosmologie, fait de la cosmologie beaucoup plus que moi, donc elle peut mettre les points sur les i. Mais ce niveau minimal de multi-univers dans le sens de dire il y a des choses auxquelles on n'arrive pas à voir, mais très probablement il y a une autre galaxie un peu plus par là, je dirais que c'est accepté comme possible par les gens comme raisonnable. Mais ça, c'est pas le vrai multi-univers. Pour aller au vrai monde univers, il faut arriver à des cosmologies quantiques, des cosmologies qu'on appelle inflationnaires avec monde univers, où il y a vraiment une autre Big Bang et d'autres. On va arriver à ce deuxième niveau qui est lié à la théorie de l'inflation, mais j'aimerais vous entendre, Maïri Sakellariadou, sur cette idée qui est finalement pose une question tout de même intéressante plus largement sur le fait qu'effectivement il y a une partie de l'univers qui nous échappe pour toujours parce que depuis le Big Bang avec l'expansion l'univers est plus grand que la vitesse de la lumière peut atteindre depuis la place où nous nous situons, mais finalement, effectivement, est-ce qu'on peut parler de multivers à partir du moment où il y a un point de contact entre ces différents univers ? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est notre univers qui est trop loin, mais il est vraisemblablement régi par les mêmes règles que nous de ce côté-là de l'univers, en quelque sorte. Et de même façon, s'il y avait un autre univers, on pourra parler d'univers bulle tout à l'heure, qui soit en contact ou qui puisse être observable, alors il serait dans une forme de continuité avec le nôtre et ce ne serait plus tout à fait un autre univers. Je suis tout à fait d'accord avec Carlo à propos de ça. C'est-à-dire que ce niveau 1, selon TechMark, à mon avis, je ne l'appelle pas multivers, sont des domaines de notre propre univers dont nous n'avons pas la connaissance parce qu'ils sont au-delà de notre horizon cosmologique. Donc les lois de la physique sont les mêmes. Et si vous voulez, la distinction là, c'est si on dit là de ce qu'on appelle notre univers observable, mais c'est le même univers. Mmh. Donc vu que les lois de la physique sont les mêmes, c'est-à-dire je peux appliquer les mêmes lois que je connais de mon univers observable, même si je peux pas voir ces domaines, pas ces univers, ces domaines, parce qu'ils excèdent mon horizon cosmologique, je suis tout à fait d'accord avec Carlo. À mon avis, ça c'est pas une définition d'un multivers. Alors du coup, il faut passer immédiatement au niveau 2. Et ce niveau 2, selon TechMark, c'est celui qui est lié à la théorie de l'inflation d'Alan Good. Vous pouvez nous expliquer, Maïri Sakellariadou, en quoi il consiste, ce niveau 2 ? Le niveau 2, qui c'est, si vous voulez, c'est motivé aussi par la théorie des brins, la théorie des cordes. Et c'est aussi, si vous voulez, connecté avec un parmi les plusieurs modèles d'inflation. Donc, si peut-être pour les gens qui nous écoutent, pour pouvoir le modèle standard du Big Bang a besoin de certaines conditions initiales. Et pour pouvoir échapper de ce problème, c'était proposé il y a longtemps la cosmologique inflationnaire. Donc, on a le modèle d'inflation. Mm-hmm. Alors, c'est-à-dire que vous avez une très grande expansion exponentielle de l'univers. Et là, il y a un parmi les différents modèles d'inflation, il y en a plusieurs, qui s'appelle l'inflation éternelle, où l'inflation n'a ni début ni fin. À ce moment-là, il se peut qu'il y ait un nombre infini d'univers bulles. C'est comme les bulles d'un verre de champagne. Vous avez les bulles qui se forment et disparaissent. Chacun d'eux peut devenir sur l'univers. Et il n'y a aucune connexion les uns avec les autres. Effectivement, il n'y a aucune raison de penser que les lois de la physique vont être les mêmes à chaque univers. Et à ce moment-là, vous avez ces univers qui sont complètement inconcevables par nous. Et ça, c'est lié avec la théorie de Brown, où il est possible qu'il y ait infinité d'univers à quatre dimensions qui coexistent sur des Brown. Les Brown sont différents. Si vous voulez, vous pouvez voir les Brown comme les feuilles d'un livre. Donc, ils ne vont pas se croiser. Et vous avez que toutes les forces, toutes les interactions, sauf la gravitation, s'exercent vraiment dans une Brown. Alors, le problème était que les gens, au début, pensaient que ce modèle de Brown, il pouvait donner une valeur unique des constantes de la nature. Et après, on a vu que là, ça, c'est pas le cas. Donc, comment est-ce que vous passez des dimensions supplémentaires que ces théories de Brown veulent, dans les dimensions 3 plus 1 qu'on connaisse? Vous devez compactifier ces dimensions supplémentaires. C'est-à-dire, si vous voulez, un point devient une sphère. Mais combien de façons vous avez de faire ça? Et là, ça devient un nombre monstrueux. 1 avec 500 zéros. Mmh. Vous avez énorme possibilité de faire ça. Chacun peut devenir un univers avec deux valeurs de constantes de la nature différentes. Donc, vous échappez de la façon du principe anthropique. Et là, vous avez, si vous voulez, une motivation de multivers qui vient accompagner une cosmologie avec ce modèle particulier d'inflation. Ce ne sont pas tous les modèles d'inflation qui prévoient ça. Bon, évidemment, après, je ne sais pas combien des années, des études, des centaines de papiers, dans la théorie de corps, je suis désolée, mais il n'y a pas une prédiction qui était testée. L'inflation, moi je l'appelle paradigm search of a theory. Il y a des années, des centaines de papiers qui viennent, mais bon, je ne sais pas. Donc, et si vous voulez, il y a des motivations, mais toujours, moi je reste un peu réticente à tout ça, parce qu'à mon avis, la distinction entre science et pseudo-science, c'est que la science est réfutable. Si je n'ai pas de prédiction, je ne sais pas quoi dire. Un mot, Carlo Rovelli, sur ce deuxième niveau. On peut peut-être repréciser quelque chose parce que Marissa Kellariadou, alors nous a refait, parce qu'on, évidemment, on va pas refaire une émission entière sur la théorie des cordes et sur les bras. On en a beaucoup parlé ici. On va vous mettre d'ailleurs les liens sur notre fil Twitter si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur ces questions-là. Mais effectivement, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu cette histoire d'univers bulle? On parle également de mousse d'univers qui serait, en fait, qui s'éjecterait en permanence d'une inflation qui serait permanente depuis le Big Bang, quelque chose comme ça. Vous pouvez nous en dire un mot et votre opinion sur cette théorie-là? Bah, je préfère aller de suite à mon opinion qui n'est pas très positive. Là, je vous en prie. Complètement d'accord avec Marie. Encore une fois, la science est aussi des spéculations. OK, des collègues veulent spéculer dans une direction. Mais quand on part dans une direction de recherche, on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais on reste attaché là et on ajoute des couches et des couches et des couches et des couches. Et on n'arrive jamais à faire une prédiction, jamais quelque chose qui marche. C'est un peu ce que je disais au début. On ajoute des brins, des dimensions, des particules supersymétriques, des univers multiples pour arriver à prédire rien. Alors, non, ça ne marche pas comme ça, la science. Moi, je suis un peu plus flexible que Marie dans le sens de dire, si vous voulez ajouter des choses qu'on ne voit pas, allez-y. Mais à la fin, il faut arriver à faire des... Et la théorie des cordes a failli. Dans les années 80, on était tous certains que les cordistes étaient certains qu'ils pouvaient prédire tous les paramètres, calculer tous les paramètres du modèle standard, ils pourraient dériver la physique... Et par contre, elle s'est un peu perdue dans le multivers, je pense. Et du coup, il y a tout de même une question qui était posée par cette théorie des univers bulles, qui normalement ne se rencontre pas. Mais si ces univers bulles, s'il y a une force constante, pour le redire très très rapidement, qui est celle de la gravitation, et que certaines bulles sont plus grosses que d'autres, il y a peut-être dans cette théorie-là la possibilité de collision entre les univers. Si, qui dit collision entre les univers dit trace qu'on pourrait détecter. C'est un point d'interrogation où là aussi, Carlo Rovelli, c'est de la pure spéculation selon vous? Oui, il n'y a rien de mal dans la pure spéculation. Hein. C'est-à-dire, Einstein a spéculé et il nous a ouvert une façon nouvelle de regarder le monde. D'accord, le problème, c'est que la spéculation doit être, doit produire, doit être fertile, on dit ça en français. Fertile, tout à fait. Fertile, oui. C'est-à-dire, à un certain moment, on juge les plants des fruits et moi je vois pas les fruits, donc c'est pas, oui bien sûr, ça, en principe ce serait possible que ces univers boules se rencontrent et il y a des effets observables, mais on les a pas observés, on est très loin de là. Et donc, on ajoute plein de couches, même l'inflation, et là je suis d'accord avec Marie qui est beaucoup plus acceptée que non, la théorie des cordes, qui n'est étudiée que par les cordistes. Mais l'inflation, c'est-à-dire l'idée que l'univers, dans les tout premières instants, et on parle de fractions de secondes, a eu une expression très, très, très rapide, là, déjà, on n'est pas sûr. C'est une hypothèse qui semble fonctionner pour des choses dans la cosmologie, mais... il y a plein de gens, et moi aussi, qui ne sont pas complètement convaincus qu'on a bien compris que l'univers a fait ça. Le reste de l'histoire de l'univers, on la comprend très très bien. On a toutes sortes de preuves, on a toutes sortes de prédictions vérifiées. C'est formidable comment on comprend bien l'histoire de l'univers jusqu'à un certain moment. Avant ça, on est un peu dans le flou. Alors, l'inflation, qui est loin d'être certain, comme Marie disait, peut être jouée dans plein de façons différentes. Il y a toutes sortes de différentes théories. Une de ces théories implique qu'il y aurait d'autres boules et d'autres univers. Si ça amènera quelque part, on va voir. On va continuer à discuter de ces multivers. Là, on a fait les deux premiers niveaux. Vous allez voir qu'il y en a deux autres qui sont peut-être de plus en plus abstraits, de plus en plus spéculatifs, peut-être même plus que deux autres. Qui sait ? On continue à en parler dans la deuxième partie de l'émission. c'est ma vie. Alors sans doute je pourrais commencer par la neige qui tombait ce mois de décembre. Quand je suis né à Paris, quand je suis né en France, j'ai eu une enfance joyeuse, sans faire trop d'histoires, sans me faire remarquer. Mais quand j'étais seul en moi, ça s'agitait. J'étais plein de rêves, déjà je chantais. Il ne faut jamais rien raconter, c'est le titre de ce morceau de Jérôme Garn à 16h35 sur France Culture. Nous parlons des univers multiples tels que les conçoit la physique théorique. Nous en parlons avec Carlo Rovelli qui est physicien théoricien, directeur du groupe Gravité Quantique au Centre de Physique Théorique Marseille-Lumini, et Maëri Sakellariadou qui est professeur de physique théorique au King's College de Londres. Alors comment se représenter le multivers ? C'est une tâche bien complexe, d'autant plus qu'il est déjà passablement compliqué de se représenter l'univers tout court. Et c'est pour cela, Antoine Beauchamp, que vous êtes allé rencontrer un illustrateur. Comment figurer le multivers ? Eh bien, c'est le reportage du jour. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et cette question, on a été la poser avec Alexandre Morales de la méthode scientifique à Guillaume Duprat, qui est auteur, illustrateur, spécialisé dans la représentation de l'espace et des cosmographies, et qui faisait paraître en 2018 aux éditions Saltimbanque un très beau livre intitulé « L'univers des mondes grecs au multivers ». Guillaume Duprat nous explique comment on peut faire entrer un multivers dans une page et nous décrit également les modèles de multivers qu'il a choisi d'illustrer dans son livre. Alors moi, ces images de multivers, je les ai réalisées pour un livre grand public, c'est même un livre jeunesse. Donc il a fallu que j'essaye de rendre le plus accessible possible une représentation qui est quand même assez complexe, même très très complexe sous certains regards. Et ça m'oblige à vraiment simplifier le plus possible. Et ce qui est compliqué dans ces démarches, c'est de pas perdre de l'information. Donc quand il y a parfois des problèmes qui sont extrêmement complexes, je pense que parfois aussi c'est bien de faire appel à son intuition. Et moi, ce que j'ai choisi comme angle, c'est de trouver des métaphores qui peuvent avoir un aspect un peu poétique et qui peuvent faire passer une idée, quoi. Donc, en l'occurrence, là, pour les multivers, comme il y a plein de multivers différents, j'ai lu plein d'ouvrages sur la question, des ouvrages de vulgarisation scientifique. J'ai aussi eu la chance d'avoir le soutien de Jean-Philippe Usan, qui m'a un peu dirigé aussi après dans la manière d'écrire et de décrire tout ça. J'ai privilégié donc un multivers un peu chaotique, dans lequel il y a une prolifération d'univers. Et là, je me suis basé sur la métaphore de la mousse. Et dans cette image de multivers, on voit des bulles qui prolifèrent de manière un petit peu aléatoire et chaotique. Et donc ça, c'est... j'ai voulu faire passer cette idée de monde infini où chaque univers est comparé à une bulle. En fait. Donc ça, c'est pour le premier. L'autre chose aussi qui est particulière dans ce livre-là, Univers, hein, c'est un livre dans lequel il y a des flaps. Donc c'est une grande chance, ça, quand on veut faire passer des messages. Donc il y a deux plans de représentation des images. Il y a un plan qui est celui de la métaphore, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est la mousse. Quand on soulève l'image de la mousse... Sous la mousse, on voit de manière un petit peu plus réaliste un multivers. Alors encore une fois, c'est impossible de représenter un multivers sur une page, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de passer par la métaphore justement pour garder cette impression. Ça, c'est une question que je me posais avant de vous rencontrer, c'est comment est-ce qu'on illustre l'impossible à illustrer. Et comment, en tant qu'illustrateur, cette question, vous vous la posez ? C'est au cœur de mon projet, cette histoire de représenter l'impossible. Il y a tellement de difficultés en fait pour représenter le monde dans une page ou dans une feuille, sur une feuille. En fait, c'est en fonction des cosmologies, il y a plein de problèmes spécifiques. Donc pour les multivers, bah, c'est l'infini. Il y a le problème de la page qui se pose tout de suite. Comment faire pour évoquer un espace ouvert dans un espace fermé ? Donc ça, c'est une question qui est intéressante, quoi, à la fois en mise en page et en illustration. Et puis, ensuite, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye d'appuyer sur un aspect d'un des multivers qui peut correspondre à une difficulté. Par exemple, l'idée de l'inflation, qui est une idée quand même théorique qui est compliquée à mettre en image. Ça, je n'ai pas essayé en particulier de la représenter. Par contre, un peu autour de cette idée d'inflation, pour cette deuxième image de multivers, je me suis inspiré d'un schéma de Andrei Linde. Qu'on voit là dans votre carnet d'esquisses. Qu'on voit dans mon carnet d'esquisses, qui est une image que j'avais découverte il y a pas mal de temps, qui reste une image, en termes de représentation, je pense qu'il y a une image qui fait autorité. Et je me suis beaucoup inspiré de cette image. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette image ? Alors, cette image, on voit deux échelles. Donc il y a une échelle de temps en ordonnée qui montre comment l'univers se développe, se déploie depuis le bas. On voit un premier univers qui est jaune et ensuite on voit d'autres univers qui sont liés à cet univers comme avec des embranchements. Certains sont rouges, d'autres sont bleus, d'autres sont verts. On voit que chacun de ces espaces forme une bulle qui n'est pas une bulle parfaite, c'est pas une sphère parfaite, mais surtout c'est une bulle qui est probablement régie par des lois différentes, quoi, voilà. Et on voit comme ça une sorte d'arborescence qui se déploie. Un peu comme une plante succulente ou avec des formes, voilà, où il y aurait un bulbe initial et autour de ce bulbe initial, voilà. Vous venez de tourner une page et vous avez d'autres illustrations qui vont dans ce sens-là. Voilà, exactement. C'est que moi, cette image-là, elle m'a fait penser à des planches, soit des planches botaniques, soit des planches des encyclopédies illustrées du 19e. Là, c'est une planche qui montre des algues. Et ce type d'image correspond un petit peu pour moi à ce que ça représente, enfin, à cette idée de l'image de Linde. Et il y a ensuite, en cherchant d'autres pistes au niveau des évocations comme ça, un peu poétiques, m'est venue un peu l'idée aussi du cactus. Il y a le cactus opuntia qui a vraiment une forme qui correspond à celle de l'image de Linde. Et on en vient donc à ce deuxième multivers. Donc après le multivers mousse, il y a ce multivers que j'ai appelé un multivers cactus, qui est une première approche, on va dire, par l'image. Et puis ensuite, quand on l'ouvre, en fait, on s'aperçoit que ce cactus, il correspond à une série de mondes, d'univers qui sont en arborescence et qui, en fait, progressent et qui prolifèrent. Donc là, dans cette image, j'ai vraiment accentué l'aspect dans chaque bulle d'univers. Il y a vraiment un monde différent, parce que dans cette conception du multivers, il y a des lois différentes. Mais tous sont reliés entre eux et tous évoluent Mais voilà, tous sont reliés entre eux. Certains peuvent proliférer, grossir plus que d'autres. D'autres peuvent s'éteindre. C'est une image qui doit être dynamique, quoi. C'est ça qui est compliqué avec les images fixes. Ça fait partie des difficultés aussi, bien sûr, dans ce domaine. C'est le mouvement, le temps, qui est toujours absent. Voilà comment se figurer les multivers, quelques-unes de ces illustrations disponibles sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Maïris Akelariadou. Et à propos de les illustrations. Oui. Oups, il y a de l'imagination, je peux dire. Bien sûr. Mais vous savez, je pensais à propos de ça, parce que il y a un petit moment avec une amie et collègue de moi, Tania Regenbauer, qui est directrice de CNRS Annecy, on a écrit un livre de son fond. La nouvelle danse des étoiles, où on explique la relativité générale, les ondes gravitationnelles, la détection, les étoiles de neutrons, etc. Donc maintenant, après tout ça, pourquoi pas, on peut penser à écrire un bouquin sur le multivers et on va penser à demander à la personne qui va faire des illustrations de faire des cactus. c'est une belle imagination, une belle idée que j'ai pris par cette discussion. Mais bon, c'est un peu l'imaginaire. Carlo Rovelli. On passe au troisième niveau de... Allez, on passe au troisième niveau, je vous en prie. Le modèle d'Hugues Everett. Voilà. Alors, Là, on change vraiment de page. On ne parle plus de l'univers tout entier, on parle plus de cosmologie, on parle plus d'espace courbe, on parle plus de cactus, rien de ça. Et c'est tout un autre coin de la physique théorique. Et c'est la mécanique quantique, la célèbre mécanique quantique. Donc, si vous voulez, une chose qui se passe dans un laboratoire. Et la mécanique quantique est étrange. Très étrange. Et si on se demande qu'est-ce qui se passe vraiment dans les phénomènes quantiques, on reste un peu perplexe. Et si je peux, c'est le sujet de mon livre Helgoland, qui va sortir bientôt aussi en France. Et une des façons de chercher de comprendre qu'est-ce qui se passe en mécanique quantique, c'est de penser qu'il y a des mondes multiples. Et ça s'appelle comme ça, Many World Interpretation. L'interprétation à beaucoup de mondes de la mécanique quantique. Ce n'est pas des cosmologies, ça n'a rien à voir avec cosmologie. Alors, je vous explique très simplement. Imaginez que vous avez un atome radioactif qui émet une particule. Alors, quand nous faisons, à l'université, on fait les exercices pour décrire ce qui se passe, on calcule une onde. Vous savez, la particule radioactive, c'est un peu une onde, un peu une particule. Ça, c'est le mystère de la mécanique quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de l'atome, il y a une onde qui sort, qui est partout dans l'espace. Alors, imaginons qu'il y a un détecteur à droite et un détecteur à gauche. Et l'onde arrive sur tous les deux et... quand on fait le calcul, on nous apprend à l'école qu'il y a une probabilité que la particule soit détectée par le détecteur à droite et une probabilité qu'elle soit détectée par le détecteur à gauche. Et donc, il semble que d'un coup, boum, magiquement, l'onde va disparaître et ça se transforme en particule et qui est ou à droite ou à gauche. Et cette mystérieuse transformation de l'onde en particule, on ne comprend pas du point de vue raisonnable, physique, qu'est-ce qui se passe. Alors, une hypothèse, c'est l'hypothèse à beaucoup d'ondes, que je n'aime pas, mais je vais décrire quand même, qui est la suivante. Il n'y a pas de particule, c'est vraiment une onde. D'accord. Elle est vraiment soit à droite, soit à gauche. Alors, pourquoi moi, je la vois à droite et pas à gauche? Pourquoi je la vois à dessous? Parce que, tenez-vous bien, moi aussi, je suis une onde. Donc, quand je interagisse avec la particule, moi aussi, je m'ouvre dans une onde. Il y a une onde de Carlo. Et donc, dans cette onde, comme dans l'onde, la particule est soit à droite, soit à gauche, dans les deux endroits, Carlo aussi, il est dans deux configurations. Une configuration qu'il voit la particule à droite et l'autre configuration qu'il voit la particule à gauche. Et donc, mais alors pourquoi moi je vois une et pas deux? Bah parce que moi je suis un des deux. L'un des deux. Ça, ce qui veut dire qu'il y a l'autre, dans un autre monde, qui a vu la particule de l'autre côté. Et alors, j'ai des collègues très intelligents, très sérieux, des physiciens, des théoriciens et des philosophes qui prennent ça très au sérieux. C'est-à-dire, chaque fois que nous faisons une observation quantique, ou finalement une observation quelconque, parce que tout c'est quantique à la fin, nous divisons dans des copies de nous-mêmes, chacune dans un univers différent, on les appelle des branches, des rames différentes de l'univers, et pour donner du sens à la mécanique quantique, on imagine qu'il y a cette multiplication infinie, parce que ça ne se passe pas une fois, ça se passe continuellement, et on se branche dans plusieurs univers. Et donc, l'univers quantique serait une immense onde dans laquelle c'est contenu des copies innombrables de ce qu'on voit autour de nous. Ça, c'est l'interprétation à beaucoup de monde de la mécanique quantique. C'est, encore une fois, une des interprétations. Moi, je préfère des autres. Je trouve ça irraisonnable. Ce qui est vrai, c'est qu'elles sont tous un peu irraisonnables, parce que c'est la mécanique quantique qui est étrange. Donc, n'importe quoi on fait avec la mécanique quantique, il faut en tout cas accepter quelque chose d'étrange. Alors, il y a une certaine partie de la communauté, soit dans la philosophie, dans le département de philosophie, soit dans le département de physique, surtout des cosmologues, des théoriciens plus, qui aiment plus spéculer, qui pensent en cette terme-là. C'est-à-dire, ils pensent qu'il y a des copies multiples de nu dans des branches différentes d'univers. Ce qui voudrait dire, Maïri Sakellariadou, que selon ce niveau 3, ce modèle d'Everett, en fait, à chaque effondrement de la fonction d'onde, à chaque observation quantique, mais en fait même spontanément, l'univers se démultiplie et n'arrête pas de buissonner, de faire différentes rames comme ça, c'est cela? Oui, c'est ça. Donc ça, si vous voulez, c'est une tentative de résolution du problème de la superposition des états quantiques, le fameux chat de Schrödinger. Donc c'est une des interprétations que vous pouvez donner. C'est un peu étrange le résultat, c'est-à-dire que vous avez chaque moment qu'une observation s'efface, vous avez un nouveau monde qui apparaît, qui est différent, qui est inaccessible. Donc, si vous voulez, chaque univers contient une version de chaque observateur, de chacun de nous. Oui. Donc, chacun de nous vit une situation différente dans le même instant du temps. Donc maintenant, aller trouver comment tester ça, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est un peu trop hypothétique, je pourrais dire. Mais alors, si on monte d'un niveau encore, Maïri Sakellariadou, le niveau 4, là on parle de l'hypothèse d'un univers mathématique, on franchit encore un pas de plus dans l'abstraction. Tout à fait. Donc là, vous dites que tout ce qui mathématiquement peut exister, il devrait exister quelque part. Donc, vous savez, à la fin de compte, tous ces modèles sont jolis du point de vue mathématique. Et à mon avis, une théorie doit être consistante elle-même. Mais si cette théorie décrive le monde dans lequel on vit, ça c'est une autre question. Et j'ai le sentiment que parfois, on fait une théorie et le moment qui ne colle pas très bien, et on commence à mettre des épicycles pour la faire marcher. Et après, on a un monstre, mais ça ne devient pas très élégant, pas très simple. Je ne suis pas sûre que ça, c'est la façon. Si vous voulez, à la fin de compte, moi, je pense qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de grandes idées, mais ça nous manque aussi des outils mathématiques pour aller plus loin. Donc on est à un point, peut-être, qu'on doit réfléchir où on va. Carlo Rovelli, sur cet univers, ce multivers mathématique où toute équation mathématique donne lieu à une réalité? Mais on va de plus en plus dans l'abstrait. Et donc, la question de quoi on est en train de parler, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de faire de la science ou on est en train de se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire réel, qu'est-ce que ça veut dire... c'est-à-dire, la science, moi j'ai une vision de la science assez large, c'est créer des concepts, c'est faire évoluer la pensée, mais à la fin, ça doit être de la science. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas rêver. Voilà. Bien sûr, il pourrait y avoir tout et le contraire de tout. Non. Cette émission s'est ouverte avec un personnage qui disait on peut pas prouver que c'est pas vrai. Mais rien on peut pas prouver. Mais si j'ai une théorie que il y a des petites girafes sur la Lune qui se cachent quand on les regarde, est-ce qu'on peut prouver que c'est pas vrai? Non, parce qu'ils se cachent, ils sont très bons à se cacher. Mais on peut rêver tout. Là. Et si je peux dire, il y a un cinquième niveau de multivers, si vous me permettez, qui n'est pas discuté dans le livre de Tegmar sur les différents niveaux de l'univers, mais qui peut-être aurait dû l'être, qui est par un des plus grands philosophes de la dernière génération, qui est David Lewis, qui est dans un sondage dans le département de philosophie du monde entier, est arrivé premier en tant que celui plus respecté comme philosophe, dans les philosophes qui sont vivants ou morts depuis peu de temps. Et David Lewis s'est occupé beaucoup de la notion de possibilité et nécessité. Et il a une façon de mettre les choses qui est très intéressant. Et il a écrit un livre sur les univers multiples, exactement, de dire, on peut penser comme ça, ça c'est David Lewis, que tout ce qui est possible est vrai, est réel. Okay? Et nous sommes dans une des actualisations de la possibilité. Donc pour lui, il appelle réel tout ce qui n'est pas contradictoire. Donc, pas seulement les théories mathématiques. Et, est-ce qu'il a eu, on peut avoir un monde où il y a des ânes qui volent? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de contradictoire a priori. On peut avoir des miracles, c'est pas contradictoire. C'est contraire à tout ce qu'on sait. Mais il dirait contraire. David Lewis répondrait oui, c'est contraire à tout ce qu'on sait de notre monde. Mais il y a un autre monde possible et il les appelle tous réels. Alors, vous voyez. À ce point-là, la notion de réel devient très floue. C'est-à-dire, moi, je peux appeler réel tout ce que je veux. La particule va à droite dans une expérience de mécanique quantique, elle n'est pas allée à gauche. Moi, je peux dire, j'imagine qu'il y a une réalité parallèle où elle est allée à gauche. bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est Est-ce ça. Que c'est utile pour quelque chose ou non ? Et moi, je trouve que non. Je suis complètement à côté de Marie. La science doit... c'est bien de spéculer, mais je pense qu'on est en train de spéculer un peu trop là. C'est ça, mais ce qu'on fait avec ça surtout, et c'est amusant, puisque c'était une émission de science-fiction qu'on a faite assez récemment, c'est Rick et Morty, où dans un autre univers, je suis un poireau qui parle, et on peut imaginer n'importe quoi. Effectivement, on passe complètement du côté de la fiction et du côté de l'imagination, et on quitte un peu la science. Peut-être pour conclure cette émission, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Maïri Sakellariadou, est-ce que... il y aurait peut-être, alors c'est toujours évidemment un peu de là aussi de la spéculation, mais des éléments scientifiques qui permettraient de fermer, outre celui que vous avez évoqué, complètement la porte à la pensée du multivers et de dire bon, bah, manifestement, puisqu'il y a ça, c'est que il n'y en a vraisemblablement pas d'autres. C'est-à-dire encore une fois, à défaut de trouver une preuve d'existence, d'obtenir des éléments de preuve de l'absence. Excusez-moi, il y avait beaucoup de bruit de fond. Ah, pardon. Je pense que énormément depuis que Carlo parlait maintenant, je ne sais pas si c'est de ma faute. Vous avez posé une question, si je ne me suis pas trompée, à propos de la façon de vérifier ou de tester la théorie. De trouver à défaut de trouver une preuve d'existence et une preuve une confirmation, une preuve d'infirmation, c'est de dire, puisque c'est comme ça, vraisemblablement, il est raisonnable de penser qu'il n'y a pas et qu'il n'existe pas de multivers. Moi, la chose que je dis, c'est si on ne trouve pas ces cercles dans le CMB, et ça, ce n'est pas une... Le CMB, c'est le fond diffus cosmologique. Multiverse, hein. Oui, c'est le fond diffus cosmologique. Ça, ce n'est pas une preuve de multiverse. Donc, si on ne voit pas, c'est une condition nécessaire pour qu'elle soit vraie, mais n'est pas suffisante. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, elle a passé le test. Si on le trouve, à ce moment-là, est complètement erroné. Si on ne trouve pas, eh ben on ne trouve pas, la porte est encore ouverte. Mm-hmm. Mais c'est tout. C'est tout ce que je peux personnellement penser comme un premier test. Mais on est loin de là, arriver à une vérification. Donc vous savez, je ne veux pas donner l'impression erronée. Je ne ferme pas la porte... Mais je dis simplement qu'on doit être très, très attentif. En particulier, je voulais dire ça, les gens qui sont plus dans ce monde académique, scientifique que les jeunes. Parce que parfois, ce qu'on fait, nous, ça va faire des plus jeunes de faire leur recherche. Et je pense que ce domaine continue à être plutôt dans ce qu'on appelle un peu, si vous me permettez, ça s'approche la pseudo-science qui est la science. Oui, bien sûr. Pour l'instant. Oui, bien sûr. Donc, on doit faire très, très attention. Parce que parfois, il y a les personnes qui font les grandes discussions et les plus jeunes suivent parce que c'est vraiment tentant de faire tout ça. Merci. Carlo Rovelli, pour conclure. Je suis 100% d'accord avec Marie. Vous voyez, vous avez posé la question de la façon, est-ce qu'on peut prouver que ce n'est pas vrai ? Et vous avez raison que beaucoup de gens posent la question comme ça. Et je pense que c'est une très mauvaise façon de poser la question. Parce que, oui, parce que, alors on peut faire tout, non ? Moi, je sors avec la théorie des petits girafes sur la Lune, qui se cache très, très bien. Et quand les gens me disent, mais Carlos, ça n'a pas de sens, moi, je réponds, est-ce que vous avez une preuve, vous avez prouvé de façon solide qu'il n'y a pas de petits girafes sur la Lune ? Et la réponse est, mais non, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas utile de penser ça. Tu perds ton temps si tu cherches les girafes sur la Lune. Voilà. Donc, en science, ce n'est pas la preuve finale qu'on cherche. C'est quelque chose qui soit raisonnable, utile, qui nous donne des prédictions vérifiables et qui arrive à comprendre le monde. Spéculer parce qu'on n'a pas prouvé que ce n'est pas vrai, c'est l'erreur que beaucoup de physiques, il y a une énorme quantité de physiques très solides, mais je pense qu'il y a un peu une dérive vers on ne peut pas prouver que c'est faux et donc c'est intéressant. Ce n'est pas intéressant tout ce qu'on ne peut pas prouver que ce n'est pas faux. Merci beaucoup, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Carlo Rovelli. Merci beaucoup, Maïri Sakellariadou. La nouvelle danse des étoiles, on peut vous lire. C'est un livre jeunesse. Carlo Rovelli, très bientôt chez Flammarion, votre nouveau livre, Elgo. Making Sense of the Quantum Revolution, ça c'est en anglais, qui sera traduit dans les semaines, dans les mois qui viennent. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Demain, eh bien, vous pensez que ça y est, c'est bon, que nous sommes en train de sortir de cette pandémie et que tout va redevenir comme avant. Sachez que de nombreuses équipes planchent d'ores et déjà sur la prochaine pandémie qui va nous tomber sur le coin du nez, ça tombe bien. Ce sera notre sujet demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.